Chapitre 14. Michel fut, par la fumée qui montait de la cour, averti de l'étrange holocauste, où les vanités du monde allaient à se consumer. Elle vit les donateurs affluer, vit les merveilles dont s'enrichissait le couvent, comme s'il était le garde-meuble du ciel. Et tandis que le frère Siméon avait grand-peine à dégager de cet épisode une belle signification, qui ne fut pas endommagée de ridicule, cette petite enfant le fit plus vite et beaucoup mieux. Elle dit au frère Siméon, « Moi, je n'ai rien donné à Dieu. »« C'est que tu n'avais pas de trésor, Michel. Dieu ne t'en avait pas donné. Tu n'as donc rien à lui rendre. Car on ne donne rien à Dieu qu'il ne vous ait donné d'abord. » Elle rêvait là-dessus quand arrive un invalide, lequel, faute d'une seconde jambe, n'avançait pas autrement qu'à fort coup de béquille. Et il se dépêchait comme s'il avait grand hâte d'agir selon sa volonté bien résolue, avant d'avoir changé de volonté. Il s'approcha du brasier, chercha des yeux l'endroit où le feu était le plus vif, et sans laisser sa pensée aller ailleurs, il jeta dans le feu sa béquille. Le frère Siméon s'élançait pour empêcher le bois de prendre. Michel le retint par le pan de sa manche, disant « Ne privez pas ce pauvre garçon de donner ce qu'il avait d'utile encore pour un peu de jour. » L'invalide sautillait sur sa jambe unique et attendait que le feu prît à sa béquille. Il eut alors au visage le signe d'une joie contrariée de chagrin. Puis, sautillant toujours, il gagna un coin de la cour et s'y accoufla pour n'en plus bouger. Sans émulation ni envie, mais seulement par docilité à cet exemple d'une heureuse abnégation, Michel se demanda ce qu'elle donnerait à Dieu, n'ayant rien à elle. « Tu donnes ton dévouement perpétuel et une intelligente bonté, lui dit le frère Siméon. Et à ces femmes plus infirmes que ce garçon, tu as donné, pour qu'elles finissent tant bien que mal, le rude chemin des derniers jours, les béquilles de ta jeunesse encourageante. Ne cherche pas à donner davantage, tu n'as plus rien. » « Si, répliqua Michel. » Et quelque temps, elle garda un silence où le frère Siméon eut soin de ne pas la troubler. Elle examinait une idée furtive et qu'il fallait immobiliser. Une idée importante, car elle en était visiblement très occupée. Une idée alarmante, car elle en avait le visage bouleversé. Une idée enfin qu'elle adopta. Elle dit au frère Siméon, « Voici, je ne suis pas si pauvre que je n'ai rien à donner. Il me restait une espérance, qui était que Jean pût revenir avant le dernier jour, au moins avant l'heure dernière, et ainsi je l'aurais revu. Il ne me fallait plus que le revoir. » Le monde eut fini sans me décevoir. » À cette pensée, une rougeur colora ses joues. Ce n'était pas timidité ou pudeur puérile, mais seulement le signe d'une sensibilité en émoi. Le frère Siméon ne sut si elle ne pleurerait pas. Elle avait sa volonté bien tendue à surmonter les alarmes de son cœur. Et elle continua. « Je donne mon espérance. J'avoue que ce n'est pas un grand cadeau. Mon espérance était petite, que j'en revins dans un délai si court. » Mais s'il revient, je ne le verrai pas. » « S'il revenait, Michel, comment pourrais-tu ne pas le revoir? Tu promets plus qu'il n'est possible de tenir. » Tout simplement, Michel fut contente de présumer que son cadeau était moins petit qu'elle ne l'aurait cru, si le frère Siméon faisait, avant de l'accepter au nom de Dieu, des cérémonies. Et elle sourit, n'ayant pas d'orgueil, mais une gentille humilité. Le frère Siméon insista, et comme il n'avait de notion de l'amour mondain, que par les élégies des poètes païens, il ne croyait pas qu'une telle passion fût aisée à contraindre. « Michel, dit-il, réfléchis encore avant de t'engager. »« C'est tout réfléchi, répondit-elle. » Son visage montra qu'elle avait sa résolution nettement prise. Le frère Siméon, somme toute, songea qu'il y avait très peu de chances que revint Jean plutôt que passer la semaine, et c'est la raison pour laquelle, au bout du compte, il accepta le sacrifice admirablement sincère et vain de Michel, amoureuse.